Section 5 De deux petits sabots par Ouida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 5 Bébé était seul un matin au bord de la pièce d'eau, rêvant à cette félicité sans bornes, quand ce qui lui parut être une musique céleste fit tout à coup bondir son cœur. « Bonjour, ma belle, éveillée comme l'alouette. Je m'en vais à Malines, et j'ai voulu vous voir en passant. » Bébé ne se doutait pas du joli spectacle qu'elle lui offrait, les pieds étincelants de rosée, les joues chaudes de plaisir et de santé, ses cheveux ensoleillés échappant en désordre au petit bonnet blanc, on eût dit une rose sauvage lavée par la pluie. Lionel pensa qu'il pouvait passer la journée plus agréablement qu'à Malines. « Voulez-vous me donner à boire ? » demanda-t-il en entrant. « Je vous donnerai à déjeuner !» s'écria bébé avec allégresse. Elle écarta les branches de lierre pour qu'il pût passer. « J'ai du lait de chèvre et du miel, une salade, si bon vous semble. » Lionel pénétra dans la cabane en regardant autour de lui avec un mélange d'étonnement et de compassion, mais elle n'était nullement embarrassée de la pauvreté de sa demeure. Une paysanne peut avoir autant de dignité qu'une reine, cette dignité qui vient de l'absence absolue d'efforts et de prétentions. « Asseyez-vous, » dit-elle en lui montrant son petit lit, afin qu'il fût mieux, car elle ne possédait que deux escabeaux de bois. Elle le débarrassa de son chevalet, de sa boîte. Elle se serait mise à genoux pour essuyer la poussière de ses souliers, s'il l'eût permis. Elle eut, en un clin d'œil, cueilli pour lui le cresson et les laitues fraîches de son jardin. Elle apporta le rayon de miel de monsieur le curé sur des feuilles de vigne. Tout cela lestement, sans apparence de servilité, mais avec une grâce souriante qui disait mieux que des paroles. « Si je ne peux faire beaucoup, ce que je fais est de bon cœur. » Il l'observait charmé. Le parfum rustique de l'humble lavande plaît à ceux qui sont là des camélias effeuillés autour des soupers de minuit. Cet homme n'était pas bon. Il était froid et vaniteux, au contraire, gâté par le monde où il avait passé sa vie. Mais il avait un tempérament d'artiste et des fantaisies de poète. Il se sentit ému. « Tout le monde est en pèlerinage, » dit bébé, pour expliquer que le village fut silencieux ce matin-là. Ils sont allés prier afin d'obtenir une belle moisson. Moi, je crois que l'on peut prier aussi bien à la maison. La mère Crêpes est de mon avis, mais elle dit, si je n'y vais pas, cela sera d'un mauvais effet. On ne me croira point dévote, et comme nous faisons beaucoup de farine, le bon Dieu pourrait s'étonner de ne pas me voir. D'ailleurs, cela ne coûte que 7 francs aller et retour, et nous serons payés au centuple en paradis. Vos pèlerins seront absents toute la journée. Oui. Ils sont partis pour le Sacré-Cœur de Sainte-Marie-Esbois. C'est sur le chemin des Lièges. On emporte un déjeuner que l'on mange sur l'herbe. Prosper Bach, qui est protestant, prétend qu'il ne faut pas mêler le plaisir et la prière, le miel et le vinaigre. Mais je ne sais pourquoi il appelle la prière du vinaigre. La prière est douce, plus que tout au monde. Quand je demande à la Sainte Vierge la grâce de vous voir le lendemain, je m'endors contente parce que je sais qu'elle m'exaucera, si c'est pour mon bien. « Et si ce n'était pas pour votre bien, bébé, cesseriez-vous de désirer me voir ?» Il se leva, et saisissant sa main qui séparait du chanvre, la caressa entre les siennes, comme il eût fait de la fourrure d'un jeune chat, en s'amusant à observer les alternatives de tristesse, de désir, de peur, de fascination sur son visage. La question qu'il posait ainsi jeta la perplexité, les ténèbres du doute dans cette conscience d'enfant. Le devoir ne lui avait jamais coûté. Il n'avait cessé pour elle de marcher côte à côte avec la joie. Une première fois, la lutte entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas s'engageait sous ses yeux. « Je n'ai jamais fait de mal que je sache, » dit-elle timidement. Il lui semblait que, comme la petite barque retenue longtemps au port par des liens solides, tout à coup rompus, elle fut lancée à la dérive sur une mer inconnue. « Mais quel mal peut-il y avoir à causer avec vous qui êtes si bon ? Qui m'avait rendue moins ignorante? Vous dites cela pour m'éprouver? » Lionel arracha le feuillage du lierre nerveusement, avec impatience, honteux comme pourrait l'être un spadassin de se mesurer à l'épée contre un petit enfant nu, armé seulement de buis bénis. Elle avait dégagé sa main et continuait de le servir, lui offrant tout ce qu'elle possédait. Il mangea pour lui faire plaisir et reprit d'un ton qui lui parut étrange. « J'ai rompu le pain avec vous, bébé. Je ne peux plus vous trahir. » « Me trahir? Quelle idée! Je sais bien que vous ne le voudriez pas !» Il garda le silence. « Asseyez-vous donc et filez, » dit-il enfin avec impatience. « Ne restez pas là debout, les yeux sur moi. » Pardon, dit bébé, craignant de s'être montrée importune, et elle s'assit à son rouet. Sous le vieux lierre de la fenêtre, c'était un joli tableau. Lionel pensa qu'il aurait de la peine à le fixer sur la toile. Il fallait saisir cette expression comme on saisit le vol de l'hirondelle dans le ciel bleu. Si bébé eût posé, elle eût cessé d'être l'idéal dont il avait besoin. « Je veux faire de vous une Gretchen, » dit-il. « Qui est cette Gretchen ?»« Vous lirez son histoire plus tard. Est-il vrai que vous ne vous ennuyez jamais toute seule ici ?»« Non, j'ai tant à faire. »« Vous prenez trop de peine, pauvre petite fille. »« Beaucoup font davantage. La Van Hart a tous ses enfants à soigner, et elle s'en tire, bien que la misère soit grande chez eux. » « La misère est partout laide et pénible à voir, mais vous, bébé, vous êtes une idylle. » Bébé leva des yeux souriants et cassa son fil. Elle ne savait ce qu'il entendait par là. Pourvu que ce fût quelque chose qui lui plût, elle était satisfaite. « Qui étaient ces belles dames ? » demanda-t-elle en rougissant. « Quelles dames ? » ?»« Celles que j'ai vues l'autre soir à la fenêtre avec vous. »« Ah, vous avez vu ? » ?»« Je vous ai vu rire, et elles avaient des bijoux, elles étaient belles. » À leurs propres yeux, peut-être, pas aux miens. Vraiment ? Elle cessa de filer et l'interrogea d'un regard incrédule. Pouvait-il ne pas les trouver superbes, ces dahlias empourprés ? Du reste, elle ne leur en voulait plus, il les avait quittés pour elle. Ce devait être de grandes dames, ajouta bébé, pensive, et elle paraissait bien heureuse. Auprès d'elle, je me sentais laide et misérable, sans doute, et j'en étais triste. Pourtant... Elle s'interrompit comme si elle eût craint de le fâcher. « Pourtant, eh bien, elles ne me semblaient pas bonnes, ces femmes, et je ne changerai pas avec elles. Vous êtes sage, sans livre, bébé. Que comptez-vous faire ce matin ? J'irai au marché, comme d'habitude. Vous ne prenez jamais de congé ? Pas souvent. Les jours de fête, surtout, on a besoin de fleurs. Vous n'êtes jamais allé vous promener dans les bois ? Une fois ou deux, mais c'est un jour perdu. Eh bien, perdez un jour pour moi. Vos voisins sont sortis, ils n'en sauront rien. La soirée sera belle pour dîner en forêt, venez. Sérieusement ? Elle sauta de joie. Sans doute, j'allais à Malines pour voir les mages et le Christ de Van Dyck. Nous irons à Soigny, de préférence, faire des études de feuillage, et je commencerai votre portrait en plein air. C'est le mieux, vous appartenez au grand air, bébé, comme Gretchen. Mais je n'ai que des sabots. Elle rougit de honte cette fois en regardant ses pieds. Lui, qui avait voulu lui donner des bas de soie, oserait-il bien se montrer en compagnie de ces deux petits sabots bruyants et lourds ? N'importe, ma chère, j'ai eu assez de souliers de satin et de talons dorés. Ils font autant de bruit que les vôtres et coûtent plus cher à ceux qui les escortent, en admettant qu'ils daignent marcher. Vos sabots sont pittoresques. Paganini a fait un violon d'un sabot. Qui sait quelle musique il y a dans le vôtre ? Bach, celui qui vous a donné les souliers rouges, était un barbare. « Moi, j'ai des goûts différents. Venez. »« Mais au marché, on remarquera mon absence. On vous croira en pèlerinage. »« Et si on me le demande ? » ?»« N'arrive-t-il jamais que vous disiez autre chose que la vérité ?»« Autre chose que la vérité, ma foi non. Les gens admettent que vous dites vrai. Il me semblerait les voler en mentant. Et vous allez m'emmener dans les bois. Vous me conterez des histoires comme celles que vous me donnez à lire. »« Une plus belle histoire. Fermez votre porte et venez. »« Vous n'êtes pas honteux ?»« Honteux ?» Oui, de mes sabots. Bébé prit contre les voleurs la précaution qu'avait toujours prise Antoine de glisser la clé sous le tonneau d'arrosage et se laissa enlever dans un char à bancs qui attendait sur le chemin désert. Les petits chevaux partirent grand train en secouant leur gros lot de cuivre, d'abord à travers la plaine verte, puis sous les épaisses futaies. Le plaisir lui faisait perdre haleine. Elle n'avait jamais été en voiture, à moins qu'on appelât une voiture la charrette du meunier. Elle ignorait l'ivresse de planer, pour ainsi dire, sur l'aile du vent, le long des larges routes bordées de canaux et de villages. « Que c'est donc bon de vivre ! » s'écria-t-elle en battant des mains. « Oui, ce serait bon, si l'on ne s'en fatiguait pas si vite, » dit-il. Mais rien ne pouvait l'attrister en un pareil moment. Soigny n'est pas une forêt hantée par les fées, comme la forêt noire, ou par les rois, comme Fontainebleau. Elle ne commande pas en souveraine à deux cours d'eau historiques comme les beaux bois de Heidelberg. Elle ne trône pas sur de puissantes montagnes comme ceux de la Souabe. C'est une forêt flamande, jetée au milieu de champs et de pâturages plats, sans autre panorama qu'elle-même. Elle n'a que sa verdure à offrir pendant des lieues de suite, mais il y règne ce vague mystère qu'ont toutes les forêts et qui fait qu'elles semblent infinies. Sous les nefs interminables qui s'entrecroisent en labyrinthe, une merveilleuse végétation de fougères et de broussailles abrite le gibier, dont les jeux troublent seuls un silence frais, délicieux, parfumé, qui ajoute à la magie du crépuscule, car cette forêt épaisse s'emplit dès l'après-midi des ombres du soir. Jamais bébé n'avait pénétré avec les sœurs de Jeannot, ses compagnes, au-delà des clairières de la Cambre. Elle n'était jamais entrée au cœur même de la forêt, restée la même qu'à l'époque où les bourgeois brabançons y taillaient les arcs et les bois de pique dont ils se servaient contre les armées espagnoles. Pour bébé, ce fut un pays enchanté où tout était tableau, poème et trésor sans prix. Lionel avait, au jour de sa jeunesse, conduit plus d'une petite ouvrière dans les bois de Meudon et de Montmorency. Mais ces pâquerettes, bien que la vue de la campagne leur fît d'aventure monter une larme aux yeux entre deux chansons, n'étaient après tout que des pâquerettes fanées, ternies par la poussière des bals publics, tandis que bébé était aussi fraîche que les fleurs humides des glantiers qu'elle arrachait gaiement aux épines. Il comptait pourtant la traiter comme on traite ces filles-là, un peu de folie et de passion fugitive comme l'arc-en-ciel, puis une poignée d'or, une caresse, un adieu, un oubli. Mais bébé sut lui dire ce que jamais les grisettes parisiennes ne lui avaient dit, tandis qu'il errait avec elle sous les grands arbres, en parlant de ce ton à demi tendre et à demi cynique qui lui était particulier. Tout enivrée qu'elle fût, elle éprouvait cette vague tristesse que le soleil d'été apporte à ceux qui ont une âme pour la sentir. Elle répondait d'une manière si simple, si touchante, bien que déraisonnable souvent, qu'il finit par découvrir en elle une sagesse qui n'était pas de ce monde, et qu'il baissa les yeux devant la lumière divine que sa pensée, telle qu'une lampe d'albâtre, laissait transparaître. Rarement ses paroles étaient à la hauteur de ce qu'elle voulait dire, mais Lionel savait reconnaître la perle dans la coquille brisée. « S'il y a un dieu quelque part, pensait-il en lui-même, cette petite Flamande est bien près de lui. » Elle était si près de lui que Lionel, quoiqu'il ne crût pas en Dieu, n'osa la traiter comme il eût fait d'une grisette de Montmorency. Pour être Gretchen, il faut compter les feuilles de vos marguerites, lui dit-il en esquissant son portrait tel qu'elle était là, ses deux sabots mignons l'un auprès de l'autre, le feuillage épais derrière elle, sa petite robe gris sombre sous le corset blanc. Il voulait que tout le charme de son œuvre fût dans le visage enfantin et sérieux levé vers lui, dans le regard souriant et profond. « Je sais ce que vous voulez dire, » s'écria bébé. « Un peu, beaucoup, jusqu'à la mort, pas du tout. Ce que disent les filles pour savoir si quelqu'un les aime. Croyez-vous que les marguerites le sachent vraiment ? » demanda-t-elle en écartant les pétales avec ses doigts. « Les fleurs savent bien des choses, cela est certain. Demandez-leur vous-même. »« Leur demandez quoi ? » ?»« Combien quelqu'un vous aime ? » ?»« Tout le monde même. » Le père Antoine avait coutume de me dire « Ne pense jamais à toi, bébé. » « Pense toujours aux autres et tout le monde t'aimera. » Ce n'est pas de cet amour-là que parlent les marguerites. Les filles que vous voyez effeuiller ces fleurs ne pensent pas à tout le village, mais à quelqu'un de différent des autres, dont l'ombre passe sur leur chemin au clair de la lune. Vous savez cela. « Oui, et ils se marient ensuite, » dit-elle, sans embarras. « Les pauvres ne se préoccupent guère d'amour. Ils n'ont pas le temps. L'amour, pour eux, c'est quelques bouches de plus à nourrir. » Par-ci, par-là, une fille de la commune se mariait et reprenait le lendemain son train de vie habituel. « On se marie ou on ne se marie pas, cela dépend, » répliqua Lionel avec un sourire. « Bébé, je veux vous peindre en Gretchen, avant qu'elle eût parlé aux marguerites. Non, vous ne comprendriez pas cette histoire-là encore. »« Mais que lui ont dit les marguerites ?»« Ma chère, elles disent toujours la même chose, parce qu'elles disent la vérité et qu'elles connaissent les hommes. » Les marguerites répondent un peu, et c'est l'oreille de la jeune fille qui lui fait entendre jusqu'à la mort. Une sottise, un mensonge, dont la marguerite n'est pas responsable. Qui donc le dit si ce n'est la marguerite? Le diable peut-être, qui sait. Il se mêle volontiers de ces sortes de choses. Bébé n'eut garde de rire. Ses yeux bleus exprimèrent une horreur profonde. Elle fit le signe de la croix et jeta sur l'herbe en frissonnant les fleurs qui remplissaient sa robe. « Pensez-vous que le diable y soit ? » demanda-t-elle effrayée. « Quand vous les compterez, il y sera sans doute. » Elle réfléchit une seconde, puis les ramassa. « Non, » dit-elle, « je vous comprends. Ce n'est pas elles qui ont tort. Ce sont les filles qui ne veulent pas croire une vérité qui les humilie. Moi, je ne leur demanderai jamais rien, de sorte que le diable n'entrera pas en elles. » « Ni en vous, pauvre bébé. » « Pourquoi me plaignez-vous ? » parce que les femmes qui ne voient jamais la face du serpent ne respirent jamais non plus les fleurs du paradis. Il sera dur pour vous de mourir sans une seule rose d'amour dans votre joli sein. Hélas, vous me faites peur. » Il quitta son chevalet et, se jetant à ses pieds dans l'herbe, prit les petits sabots entre ses mains comme s'ils eussent été les pantoufles brodées d'une duchesse. « Pauvre petite, répéta-t-il tendrement, je vous ai fait peur, j'ai failli gâter cette belle journée. Il n'y a pas de diable, il n'y a que des hommes, tels que moi. Demandez aux marguerites si je ne vous aime pas comme vous aimez vos fleurs. » Son visage s'épanouit de nouveau. « À quoi bon, je le crois, et vous le dites, ce qui vaut mieux ?»« Beaucoup mieux, répondit-il, tenant toujours les petits sabots. » Sa propre ignorance de ce qu'elle éprouvait avait à ses yeux un charme indicible. Il aimait lever graduellement le voile, épier chaque pulsation. Pour lui, c'était une vieille histoire. Il en avait lu tous les chapitres jusqu'à satiété. Bien qu'il n'eût pas d'histoire à laquelle, malgré cela, il revint aussi souvent. C'était un sentier battu dont il connaissait chaque tournant. Mais pour elle, tout était si nouveau. Elle se laissait guider par lui comme un enfant aveugle. Quand il arrivait que sa main l'effleura, elle sentait un bonheur si parfait qu'elle eût voulu mourir ainsi. Tandis qu'ils poursuivaient leur route, un bûcheron parut courbé sous le faix. « Regardez !» s'écria Bébé. « C'est Jeannot ! Comme il sera surpris de me voir !» Mais Lionel l'entraîna de sorte qu'il put passer sans les apercevoir. « Pourquoi faites-vous cela ? » dit Bébé. « Ne faut-il donc pas que je lui parle ?» Il parlerait à son tour aux voisins. « Mais je leur dis toujours tout !» s'écria Bébé, dont l'imagination enregistrait déjà les merveilles qu'elle aurait à raconter à la mère Krebs et aux enfants Van Aert. « Apprenez à être silencieuse, bébé. C'est le premier devoir d'une femme et le plus difficile. Je suis bien aise que vous me le disiez. Quoiqu'en effet, je n'aime pas trop leur parler de vous, pas plus que de la musique de la cathédrale, des tableaux, des galeries, et de ces grandes soirées tranquilles où la campagne est silencieuse, comme si le Christ s'y promenait. Je ne sais point parler de tout cela. » Il lui demanda, d'un ton moqueur, quel rapport il pouvait y avoir entre lui et le Christ se promenant dans les blés. « Je ne peux pas bien expliquer, mais quand je suis dans les champs et que je pense au bon Dieu, il me semble voir le ciel ouvert derrière les étoiles. Et quand je suis avec vous, c'est la même chose. Seulement, ces soirs-là, étant seule, j'aurais voulu m'envoler là-haut. Et maintenant, si j'avais des ailes, je les fermerais et ne bougerais pas. » Il lui baisa les mains, presque craintif, comme un croyant baise un reliquaire. En cet instant, elle lui était sacrée. Il aurait été aussi impossible à Lionel de l'outrager par un amour impur que de la frapper. Cette émotion ne dura pas, mais tant qu'elle dura, elle fut sincère. Puis il l'emmena dîner, dans un des cafés sous les arbres, un café à jet d'eau, à balcon, à escalier de bois extérieur, à tonnelles abritant de petites tables bien blanches. Ils eurent un bosquet pour eux deux, et on leur servit un repas délicat tel qu'elle n'en avait jamais mangé. « Si seulement les petits Van Aert étaient ici » s'écria-t-elle. Mais ce vœu n'eut pas d'écho. Le soleil se couchait, des frissons d'or couraient sur l'eau. De l'autre côté du jardin, quelqu'un jouait de la guitare. Sous un tilleul, des jeunes filles se balançaient en criant « Plus haut, toujours plus haut !» Des éclats de rire, adoucis par la distance, arrivaient jusqu'à Bébé avec les couplets d'un opéra bouffe en vogue. Tout cela était joli, gai, pimpant. Tous les instincts naturels de la jeunesse s'éveillaient confusément dans l'âme de Bébé au rayon de la joie. « La vie est-elle toujours ainsi dans votre pays de Rubes ? » demanda-t-elle. « Oui, répondit-il. Seulement, au lieu de ce feuillage, il y a des fleurs de serre et des grenades. Au lieu de ces chansons, des voix d'artistes, dont chaque note est estimée comme un bijou de roi. Au lieu de ces tonnelles, des palais magnifiques. Aimeriez-vous y venir, bébé, porter les dentelles que vous avez autrefois tissées, entendre rire, chanter toute la nuit, ne plus filer, ne plus vendre au marché les produits de votre jardin ? » Bébé prêtait l'oreille, ses coudes arrondis sur la table, ses joues appuyées sur ses mains, comme un enfant écoute gravement des contes de fées. Mais on ne tente pas, en lui offrant un rubis au lieu d'une cerise, le pinson des bois qui se nourrit de baies sauvages et de rosées. « Quant au travail, dit bébé, il ne me déplaît pas, parce que j'ai travaillé toute ma vie, et je ne tiendrai guère aux dentelles. On doit craindre de remuer, tant elles se déchirent aisément. Et puis, je sais ce qu'elles coûtent à faire. J'ai vu trop de malheureuses pleurer sur chaque point. Les belles dames qui les portent ne s'en doutent pas, mais moi, si je les portais, je serais triste. Et si un clou les accrochait, il me semblerait déchirer la chair de mes amis. Je parle mal, peut-être, mais voilà ce que je sens. » Vous parlez bien, au contraire, vous parlez du cœur, répondit-il, honteux, de l'avoir tentée par les prestiges d'un monde indigne d'elle. Et cependant, vous aimeriez voir des pays nouveaux. Que comptez-vous donc y trouver ? Ah, d'autres choses que celles-là, s'écria Bébé. Danser et chanter, c'est gai, sans doute, mais nous chantons et nous dansons aussi chez nous. Le vin, c'est peut-être très bon, mais je préfère beaucoup du lait frais. Non, ce n'est rien de tout cela que je veux. Je veux savoir comment sont faites les étoiles, pourquoi le vent souffle, où s'en va l'alouette quand nous la perdons de vue, si près du soleil. Comment les vieux peintres s'y sont pris pour voir Dieu et ses anges? Comment il se fait que les cloches aient une voix? Je veux savoir pourquoi le matin, quand je me promène dans les champs, tandis que le grillon chante et que les petites souris se sauvent vers leurs trous, je suis triste et contente à la fois, comme si j'étais tout près de Dieu, et cependant toute seule et toute petite, car voyez-vous, la souris a son gîte et le grillon sa famille, tandis que moi... La voix lui manqua. Jamais encore elle n'avait exprimé son isolement par des paroles. Sous une autre tonnelle, des voix d'étudiants et de grisettes s'élevaient en chœur. Ah, le doux son d'un baiser tendre. Lionel ne disait rien. Il était troublé comme l'homme le plus dur peut l'être par le regard d'un chevreuil expirant ou par l'écho de la chanson d'une personne aimée qui est morte. Il se leva enfin, écarta ses mains de son visage qu'il prit entre les siennes et dit doucement, presque avec un soupir, « Pauvrette, enviez le grillon et la souris. » Elle fut un peu saisie, ses joues devinrent brûlantes sous les doigts de Lionel, mais elle continua de le regarder sans crainte. Il s'inclina et toucha son front de ses lèvres, doucement, avec une sorte de vénération. Elle devint rouge jusqu'à la racine de ses cheveux dorés et fit un mouvement en arrière, mais elle n'eut ni confusion ni frayeur. Jeannot n'embrassait-il pas sa sœur, Fanchon ? Cependant, les arbres et le ciel bleu tourbillonnaient indistinctement autour d'elle, et les chansons se perdirent dans un bruit pareil au bouillonnement de l'eau sous l'influence de la joie soudaine qui semblait emporter sa jeune vie, comme une vague emporte un enfant. « Vous ne vous sentez plus seule, bébé ? » demanda-t-il tout bas. « Non, répondit-elle plus bas encore, tandis que tout son être tremblait comme une feuille. « Non, elle ne serait plus jamais seule avec ce souvenir. Comment pourrait-elle souhaiter désormais d'être autre chose que ce qu'elle était ? » En ce moment, un étudiant passa, une plume de papier à son bonnet, il leur jeta un coup d'œil rapide. « Il est temps de rentrer, bébé, » dit Lionel. Il advint donc que la journée de bébé dans les bois s'écoula aussi pure que celle où elle jouait avec les petits Van Hart à l'ombre des grands hêtres, et quand il la reconduisit à sa cabane, avant le retour des pèlerins, il n'y avait, au milieu du joyeux tumulte de son cœur, nul souvenir qui pût empêcher bébé de saluer, en la remerciant, la petite vierge de son jardin. Elle prit une rose mousseuse pour remplacer celle qu'elle avait donnée le matin à Lionel et qui était fanée. « Pas un mot à vos voisins, bébé. » « Bon, je me rappelle votre recommandation. Je ne vais pas leur dire chaque fois que je prie. Je me tairai de même. L'un ne sera pas plus mal que l'autre. » Mais sa voix trahissait de l'inquiétude. Elle n'était pas bien sûre. Il ne la rassura point. Son anxiété lui plut, et il la laissa dans son cœur comme une abeille dans la corolle d'un lys. Entre eux, il n'y avait que la petite barrière basse. Il se demanda s'il ne la pousserait pas une fois de plus. Sa destinée dépendait de cela, bien qu'elle ne s'en doutât pas. Lionel était resté interdit devant sa confiance, sa naïveté, l'élévation inconsciente de son âme. Mais, après tout, qu'arriverait-il ? Se demandait Lionel en l'observant, tandis qu'elle essayait de fixer le bouton de rose à son habit. Elle pleurerait un peu demain, et puis elle épouserait Jeannot, qui serait trop content d'une poignée d'or de plus, ou bien elle le suivrait à Paris, où elle perdrait pour jamais ses deux petits sabots et ses visions du Christ dans les champs, où elle ferait comme tant d'autres. Cela lui avait paru tout simple le premier jour, et maintenant elle l'aimait. Elle ouvrait la porte d'elle-même en lui disant « N'entrerez-vous pas vous reposer encore un peu ? Vous ne resterez pas longtemps parce que j'ai à piquer ce point pour la mère Marie. Mais je vous montrerai les roses que je veux porter demain matin à l'église, en action de grâce d'aujourd'hui. Vous les choisirez vous-même, et si vous les avez touchées, il me semblera que c'est vous qui les donnez à la Sainte Vierge. Voulez-vous ?» Elle parlait avec sa franchise ordinaire, tempérée cependant par une sorte d'hésitation timide et bienheureuse, comme si elle se fût sentie à la fois plus près et plus loin de lui depuis qu'il l'avait embrassée sous la tonnelle. Lionel se détourna. « Non, dit-il, cueillez seule vos roses, bébé. Si j'y touchais, elles seraient flétries. » Avec un regard rapide sur la route pour s'assurer que personne ne l'observait, il l'embrassa une fois encore, repoussa violemment la porte derrière lui et disparut dans l'ombre. Bébé le suivit des yeux tant qu'elle put. Le village était tranquille. Les beuglements lointains d'une vache dans la prairie indiquaient seuls la présence d'un être vivant. À moitié chemin, Lionel, qui réfléchissait, fit volte-face par une impulsion soudaine. Les élans les plus contraires dirigeaient toujours sa conduite. Il avait senti que l'heure était venue, qu'il fallait la quitter, l'épargner, comme il le disait lui-même, ou lui apprendre ce que les marguerites disent tout bas aux femmes. « Pourquoi pas ? » se répéta-t-il. « De toute façon, elle épousera Jeannot. » Puis une étrange pitié le reprit, puisqu'il fallait lui dire adieu si vite que Paris le rappelait qu'il allait reprendre sa vie accoutumée, qu'après tout il avait trouvé la Gretchen idéale et la gloire avec elle. Autant laisser intacte cette pauvre fleurette des champs. Son monde rirait trop s'il ramenait une maîtresse en sabots. Cependant, il avait regagné la porte de la cabane. Il frappa et ouvrit. Bébé commençait à se déshabiller. Elle avait ôté son fichu et ses sabots. La lune blanchissait encore ses épaules rondes, son cou de neige, ses petits pieds nus sur la glaise battue du sol. Elle tressaillit et, avec un léger cri, jeta le fichu autour d'elle par pur instinct de jeune fille, sans avoir peur de lui, du reste. Lionel pensa un instant qu'il ne s'en irait que le lendemain. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, un peu inquiète, qu'il ne lui fût arrivé quelque accident pour qu'il revînt si tôt. Sans répondre, il l'enveloppa de ses bras et la sentit palpiter sous cette étreinte, tandis que le clair de lune découpait bizarrement sur le sol les feuilles du vieux lierre. « Dis-moi, bébé, tu as passé une heureuse journée, tout à fait heureuse avec moi, n'est-ce pas, mignonne ?» Elle exhala un soupir de bonheur plutôt qu'elle ne répondit. « Oui, pressée contre lui, avec la douceur de ses lèvres sur son front, était-il possible qu'il ne fût revenu que pour demander cela ?»« C'est quelque chose, bébé. » « Tu t'en souviendras toujours. Je n'ai pas voulu troubler ton plaisir par un seul nuage, car tu m'aimes un peu, n'est-il pas vrai ? De sorte que j'ai attendu jusqu'ici pour te dire que je pars demain. Vous partez ?» Il la sentit devenir froide comme la glace. Une profonde terreur, d'infernales ténèbres passèrent sur elle. Jamais l'idée ne lui était venue qu'il pût partir. Il la caressa comme un écolier cruel caresse un oiseau avant de lui tordre le cou. « Mais vous reviendrez ?»« Sûrement. » « Demain ? Un peu plus tard. Dans une semaine ? Je ne sais. Dans un mois, alors ? Peut-être. Avant l'hiver, en tout cas ?» Il détourna les yeux, des yeux baignés de larmes qu'il implorait, baisa ses cheveux, son front, son cou et répliqua « Sans doute ?» Elle s'attachait à lui, pleurant en silence. Lionel ne pouvait souffrir de voir pleurer les femmes. « Écoute, bébé, » dit-il pour la calmer, « tu n'es pas sage et tu me désoles. » En mon absence, tu auras tant à faire. Ne m'as-tu pas dit, folle, que tu voulais apprendre ? Eh bien, je te laisse des livres. Je te retrouverai savante. Crois-moi, les jours passeront vite. M'aimes-tu ? Pour toute réponse, elle lui baisa la main. Tu travailleras donc plus que jamais, murmura-t-il, la bouche appuyée aux jolis bras qui entouraient son cou. De cette façon, tu oublieras. Non, ce n'est pas là ce que je voulais dire. Tu prendras patience. Et songe que j'achèverai ton portrait, bébé, que tout Paris le verra, que les grandes dames enverront cette petite fille en sabots. » Elle sanglotait sans bruit. « Vous reviendrez, vous reviendrez !» Il sentit ses yeux se voiler à leur tour, mais il sut mentir. « Je te le promets. » C'était bien plus facile pour lui de répondre ainsi, et pour elle c'était moins dur. Il le croyait, du moins. Une dernière fois, Lionel fut tenté de l'emmener. Une dernière fois, il se dit qu'il se lasserait d'elle et ne pourrait plus s'en débarrasser. Tout en la couvrant de baisers, il la détacha de lui et s'échappa. Elle le suivit, se jeta désespérée à ses pieds, sur la terre humide qu'elle battait de son front. Mais, bien qu'il eût le cœur serré, Lionel ne céda pas. « Je reviendrai bientôt. Sois tranquille. Adieu. » Il la força de rentrer et ferma la porte sur elle. Un cri étouffé parvint jusqu'à lui, mais il ne se détourna pas. Il traversa le petit jardin où il avait trouvé la paix et laissé le désespoir, et s'en alla comme il l'avait dit. Elle épouserait Jeannot, et il avait sa Marguerite, plus belle que celle de Schaeffer. Fin de la section 5.